Isabelle Bacouche, juste deux points sur cette question des RCE. Il se trouve que j'étais aussi dans un comité de sélection hier, mais j'en aurai pas le 20, donc je serai au CA. J'ai des collègues universitaires, alors Mathieu, qui m'ont dit que de toute façon, au-delà de 2012, tout le monde passera au RCE. Alors là, il y a une question d'être certitude d'information. C'est-à-dire que ça voudrait dire que dans ces cas-là, ce que le ministère veut obtenir de nous, tout le monde, enfin, y compris les grands États, enfin, c'est ce que c'est à vérifier. Hein, c'est ce... Alors, avec l'idée que le ministère, de toute façon, ne conservera pas deux régimes et deux, donc, alors, dans ces cas-là, ça veut dire que ce qu'on va faire à la fin du mois, c'est simplement effectivement de donner notre consentement. Alors que, bon. Ça, c'est le premier point. Le second point que je voulais aborder, sans parler des RCE, c'est sur le fonctionnement du CA et du CS. Il se trouve que, mais ça va prendre fin là dans les jours qui viennent, je siégeais aussi au CTPCE. Et ces deux derniers mois, il y a une question qui est arrivée à l'heure du jour, parce qu'en général, le CTPCE se réunit avant le CA. Le CTPCE avec une représentation de l'administration et une représentation, une parité syndicale. On nous a soumis au CTPCE la refonte des points de modification du règlement intérieur de l'EHESS, avec notamment la possibilité de siéger à la fois au CA et au CS, alors que dans le règlement intérieur jusque-là, c'était impossible. L'argument qu'on nous a donné, c'est que la LRU rendait possible ce cumul. Donc la question était de savoir si... Enfin, on nous a d'abord proposé un règlement intérieur avec la possibilité de cumuler. Au CTPCE, on a discuté et on a obtenu non. Au CA suivant, je n'y étais pas, on ne peut pas être à toutes les séances. Finalement, donc je crois que Giovanna y était, Simona aussi. Finalement, on est revenu sur ce que le CTPCE avait obtenu et le cumul a été rendu possible. Moi, je trouve ça très dangereux, surtout si on passe au RCE. Alors là, ça pose aussi la question. Effectivement, je crois qu'il y a des collègues qui étaient favorables à cette possibilité de cumul. C'est passé maintenant, c'est fait, mais voilà, ça pose aussi la question non seulement de la façon dont les décisions se prennent, de la teneur des débats. Je n'y étais pas, donc peut-être que d'autres peuvent témoigner. Et puis, de ce qui pourra se faire dans les années à venir, c'est-à-dire effectivement une sur spécialisation de collègues dans les conseils. Moi, j'ai vu ça un peu à l'université quand j'y étais. Je trouvais ça terrible. Mais là, ça s'est fait avec l'aval du CA, alors que le CTPCE avait résisté. On a fait une interruption de séance. On a obtenu ça. On l'a mis au vote et on l'avait obtenu. C'est dommage qu'on ait régressé en CA.